singe que te fera la tête, car il ne pourra plus chevaucher dans les prés sablettes. Tiens, écoute, on t'interpelle et on t'invite à déjeuner. Sur la table, il y a les couverts qui se mettent à danser. Tu ne peux pas les attraper. Ils te disent que tout est joué d'avance, que tu ne penses qu'à oublier et que jamais tu ne tenteras ta chance. Tu pourrais échouer. Et tu sais que tu pourrais échouer si tu oublies ton oreiller. On te regardera de travers. Mathilde, Mathieu, Olivier te diront de te taire. Ils t'ont vite remplacé par un Esquimau du Québec qui est capable de jongler et qui a connu Pérec. Regarde, il te poursuit comme un ours polaire sur son traîneau tiré par les escabeaux. Te demande de quoi tu as l'air, toi qui ne sais même pas faire de créneau. Ils sont tous périmés. Et tu sais qu'ils sont tous périmés. Si tu oublies ton oreiller, prends garde à la tempête. On aurait dû te dissuader d'apporter ta trompette. Le capitaine est manchot, toi un mousse tout petit, le bateau un escargot et l'océan est joli. Tu n'arrives pas à jouer les notes, on se moque de toi sur le pont. Les matelots te jettent à la flotte et toi tu descends tout au fond. Tu viens de te noyer et tu sais que tu viens de te noyer. En faire toute une histoire, tu sais très bien te réveiller et t'endormir le soir. Les Indiens savent voler, les Turcs répondent au téléphone. Avec ta voix enrouée, on te prend pour Al Capone. Tu es au bord de la fenêtre, tu as le vertige tout là-haut. Tu confies au tigre ton mal-être, mais lui, il se change en préau. Tu vas te t'oublier. Tu sais que tu as tout oublié. Et tu sais. Et tu sais.